Suis le cul avec ton enseigne. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos? ¡Yo quiero ir! A Narvos solo pueden ir 10. Poneos de acuerdo. ¿A la Tierra? ¿A Cristo? Yo quiero ir a Cristo. Yo y a Cristo. Solo pueden ir 23, vosotros mismos. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Pues como siempre, no vamos. Hace 200 años que no va nadie. Tendríamos que mandar a alguien. ¿Para qué? Para nada en especial. Observar, informarse, ver qué se puede hacer. No se puede hacer nada. En los otros planetas nos enseñan cosas y nosotros a ellos, pero en la Tierra... Sí, están muy atrasados, pero eso no es excusa. Es peligroso. Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido. No sabemos en qué punto están. Nos lo podemos imaginar. El único que podría darnos información es Osam. Es el único vivo que ha estado allí, pero se fue a Narvos hace 20 años. ¡No! Estoy aquí, ¿no me has visto? Regresé de Narvos hace 2 meses. ¡Ah! Hola, Osam, no te había visto. Oye, ¿en qué punto estaban cuando volviste de la Tierra? De eso hace ya mucho tiempo. Fuimos dos, el padre de Milá y yo. Aterrizamos en Francia, en París. Habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien, habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador, Napoleón, creo que se llamaba. Un megalómano que mandaba a la gente a matarse en guerras estúpidas. Después de eso volvieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más. ¿Y es tan duro aquello? Desde luego. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Antes de irnos, escondimos algo de oro por si regresaba. ¿Qué es el dinero? ¡Calla! ¿Y con eso compraban cosas? Sí, exacto. Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero. ¿Ni la comida? Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come. Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Oh, no. Supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial. ¿Y eso qué es? Nosotros también pasamos por eso hace unos 3.000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. El año pasado, mi hermano tuvo un sueño telepático con la Tierra. Sí, vi un país donde las mujeres llevaban un velo en el rostro y no podían conducir automóviles. No puede ser. ¿Crees que aún tendrán automóviles? ¿Qué son los automóviles? Es una especie de máquina. Con los pies aprietan, pero no sé para qué. Corre mucho. Bueno, yo no vi ninguno porque cuando nos fuimos de la Tierra todavía no había, pero creo que nosotros también tuvimos automóviles en la época industrial. Sí, nos lo enseñaron en arqueología. Era una especie de caja de metal. Te sentabas dentro y avanzabas. La gente ya no caminaba y morían de enfermedades del corazón. Morían millones por los accidentes. Supongo que en 200 años han tenido tiempo de deshacerse de los automóviles y también de la jerarquía. Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. Una carnicería. Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte, nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo. Es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro. No debe medir más que una boñiga de oveja. No servirá de nada. Van a su ritmo. Es como la lechuga. Aunque la estires, no crece más deprisa. Podríamos echar un poco de abono a su lechuga. Podría desconectar a un grupo de gente para empujarles. A ver, voluntarios. Venga, aunque solo sea uno, algún valiente. Hola, Gabón. Buenos días. No, no sabemos muy bien ahora mismo. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Ya tantos días de las marmotas, y se repite todos los días. Pero bonjour et bienvenue a Oulala Confiné. Así emitimos otra vez desde casa, así intentando mejorar el sonido y el programa. Pero seguiremos hoy con estos artistas franceses, francófonos, que tocan confitados desde sus casas, que sea solo con su guitarra, en grupo, en colectivo, desde puntas del mundo, ¿sí? O hasta un MC con su fondo musical improvisándonos, haciendo freestyle de hip hop con... Pues eso, hoy sí escucharemos a Hurlement de Leo, Collectif 13, Caravan Pass con Flavia Coelho, No One is Innocent con una versión sorprendente desde ellos, Caribou desde Montreal, desde Canadá, vamos a decir. Raspigaus, Garigreu, Demi Portion, todos estos del sur de Marseille et de ses environs. Ahí. Y pues vamos a empezar. Es Oulala Musique Confiné. Estáis escuchando este programa en Irratia 107.5 en la banda FM libre de Bilbao y sus alrededores, y en archive.org, donde se descarga todos los programas que emitimos desde Irola, y en streaming también en irola.org. Y empezamos con una de Le Monde Leo que nos gusta. Tenemos dos guapas que poner, entonces la primera iba con Musique pour s'échapper, música para escaparse, de su último disco Mundial Estéreo. Solfani, Sayan, Robile, Sayan, Trompetist, Nara, Bongo, Tam. Calypso et moi, on va tout déchirer. La musique pour s'échapper. Sol, fa, mi, sla, yen, ro, bi, le, sa, yen, trompettis, na, ara, bongo, tam. Calypso et moi, on va tout déchirer. La musique pour s'échapper. On va tout déchirer. La musique pour s'échapper. Bongo Tam. Bongo Tam. Bongo Tam. Yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Bongo Tam. La musique pour s'échapper, la música para escaparse, des hurlements de Léo, y con muchos artistas invitados. En esta canción y en este disco en general, lo presentaremos ahí en estas próximas semanas. Haremos un especial en Mundial Estéreo. Es un disco cuento sobre la historia de un león que se va de su país africano para migrar. Y parece muy, muy guapo, muy bonito. Y de Hurlements de Léo, pues pasamos a un tema de Collectif 13. Ellos ahí, pues el Colectivo 13, el Colectivo 13, Collectif 13. Pues eso, se han asociado un montón de artistas de varios grupos, desde la Ruquetanu, de Massilia, de Trio, de Pied de la Pompe, o Erwan, o varias más así. Y pues aquí nos han hecho un tema confitado, confiné, de, se llama Le Bon Côté, el buen lado, porque siempre hay que verlo. Le Collectif 13 est toujours en mission. Aujourd'hui, on vient vous parler du bon côté de la situation. On est confiné. Deux accords de reggae, la petite chanson. Il faut l'attraper au vol, elle est là, attention. C'est sur les amis qu'on a du temps. On va pouvoir faire les devoirs et s'occuper de nos enfants. Et là on va voir s'ils aiment vraiment leurs parents, s'ils en ont marre de papy, de papa, de maman. On va voir aussi que les autres nous manquent, qu'on est peu de choses des amis face à ce virus à la menthe. On est tous abasourdis, on est tous cachés sous la tente. Mais après cette folie, va falloir qu'on se réinvente. C'est le bon côté de la situation. Il faut l'attraper au vol, il est là, attention, attention. C'est le bon côté de la situation. Elle est là, elle est là, la décontamination. Plus besoin de culpabiliser quand je reste à la maison. Expliquer à mes enfants que papa écrit des chansons. Plus besoin de justifier mes périodes d'inactivité. Qu'il faut du temps pour la créativité. Je vais pouvoir glander toute la journée en djellaba. Vu que le président m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi, verrouillé par un virus qu'on n'a pas vu arriver. On va chanter pour mieux vous contaminer. On est le Collectif 13, diffuseur de bonne humeur. Même quand les temps font peur, on vient réchauffer vos cœurs comme un antidépresseur pour tout repas en couleur. Place au soleil pour apaiser c'est vos douleurs. Bon côté, c'est le bon côté de la situation. De la situation. Il faut l'attraper au vol, il est là, attention. Il est là, attention. C'est le bon côté, c'est le bon côté de la situation. De la situation. Elle est là, la décontamination. GG. Oh, oh. J'ai déjà fait les haies, la pelouse est nickel. Mis le salon de jardin, le barbecue et les nains. Nettoyer la maison, tout mis dans les cartons. Fait un tas de saloperies qui ira en déchetterie. Allez, j'ai fait toute la vaisselle, la cuisine est nickel. Aujourd'hui c'est rougaille, les enfants se régalent. Comme Canal est gratuit, je fais un plein de séries. Il me reste quelques semaines avant d'être Walking Dead. C'est con, con, con, c'est con les confinés. Pourvu qu'on, con, con, qu'on soit pas tous contaminés. C'est pour ça qu'on, con, qu'on va prendre le bon côté. Parce qu'on est con, con, con, on est tous concernés. On sera moins con, con, con, con, moins con les confinés. Pourvu qu'on, con, con, qu'on soit pas tous contaminés. C'est pour ça qu'on, qu'on va prendre le bon côté. Parce qu'on est con, con, con, on est tous concernés. C'est le bon côté de la situation, de la situation. Il faut l'attraper au vol, il est là, attention. C'est le bon côté de la situation, de la situation. Elle est là, la décontamination. Les copains, les copines, la vérité vous manquez. Et quand je pense et j'ai le temps à tout ce que l'on s'est pas fait, alors à toutes les prochaines fois, tout ce que l'on va rattraper. Et cette fois c'est promis, j'irai pas me coucher, mais bien les chances sera la belle. Pour chanter ce qui est important, à dire à nos petits. Et même à des plus grands, que c'est pas l'argent, c'est pas le profit, c'est la santé qui est importante. Et que l'ennui ça aide bien à retrouver c'est le bon côté, c'est le bon côté de la situation, de la situation. El buen lado de la situación. Hay que ver las buenas cosas que podemos hacer cuando estamos confinados, ¿no? Bueno, ahí está, es Ulala y seguimos en Irratia. Y vamos a seguir directo ahí con este ambiente movedero, ahí para bailar en casa. Y seguimos con la Caravana Pasa, la Caravana Pasa, y aquí invitaron a Flavia Coello, que ella, de hecho, hace directo cada día a la hora del aperitivo francés, a las 7, y hace como una horita de show en directo y en el Facebook, claro, pero vale la pena para quien le gusta la música Franco Brasileira. Pero vamos con la Caravana Paz. Yeah, c'est parti. Yeah. Yes. La caravana, la caravana. Eso. Le darin darin de la guitarra tocou o meu coração. E as trompetas me levaram ao devaneio. Todos estão lá fora, dançando o dia inteiro. A poeira levantando. Não, não, não, não é rodeio. Polícia que briga, o povo replica, fica, fica, fica. A caravana quer passar, deixa ele entrar. Quer passar, quer passar. Toca que toca o som da gente, que esse povo quer zoar. Toca cirano do Tarantino pro menino vir zoar. Chega aí, Victor. Balanço meu jeito cansado, normal, confinado. Do jeito perfeito, balanço meu jeito cansado, normal, confinado. Caravana quer fazer o som. Não preciso de grana, não, não. Polícia que briga, a gente quer zoar. Passar, é virgule. Ay, se corta. La Caravan Pass con Flavia Coelho, que es una brasileira que vive en Francia y ahí ha colaborado también con el Siriguacho, con la el Gato Negro, que hacen un tema también, hay un directo por ahí muy muy bonito, muy bonito. Y la vi ya en concierto el año pasado en Francia, ahí, y es una bomba eléctrica en el escenario, pues. Es enana, es una pequeñita maravillosa. Ahí baila, toca la batería, la guitarra, muy buena cantante, muy completa, muy, muy, muy guapo, muy, un ambiente muy bueno, y llega, logró hacer mover y bailar a franceses en ritmos brasileiros. Increíble. Y ahí vamos a seguir con un tema que me ha sorprendido un montón, que me esperaba que iban a tocar algo en estos momentos confinados con otro grupo que se llama No One Is Innocent. Nadie es inocente. Un grupo de música normalmente más parecido a eso. Para quien no conoce No One Is Innocent. Eso es. No one is innocent. Pues para. Nos han hecho un tema diferente en acústico. Confinados. No one is innocent. Thank you. Quando sempre vuoi fai a Macanè, dico a questo vuoi fai a Macanè. Sorprendente para mí, y pero muy bueno. Ahí nos damos cuenta de todo lo que saben hacer, que son músicos y cantantes muy muy buenos, ya que nos gusta en Urala. Ahí seguimos con una pareja que descubrí ahí buscando cositas de Capitala, Etavirusa y cositas. Y encontré este tema que me ha gustado mucho. La simplicidad de las letras y de la música. Y ahí va Caribou desde Canadá. C'est le virus du capital, nous fera-t-il capituler? Mais qui a bradé la santé, coupé les vivres à l'hôpital? On a trop tiré sur la corde, jusqu'à cela passer au bout. Le contre-coup nous désaccorde, cette pandémie nous rendra fous. Notre porte-monnaie est à l'arrêt, mais la planète se porte bien mieux. Le pape François se fait discret, on dit qu'il a rencontré Dieu. Ses animaux politiques, à l'aube de la vraie décroissance, ah, il est dur l'autocritique, pour les Mozart de la finance. Le monde descend dessus, dessous, il a la fièvre, pense à sa femme, affamé, il est prêt à tout. Même à dévorer son prochain pour un paquet de spaghettis. Certains sont capables d'en découdre. C'est vrai que ça soutient l'Italie. Les amerlocs peuvent faire la poudre. Petit virus qui nous soumet. Aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais. Mettre en panique toute la terre. Petit virus tu nous soumets. Aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais. Mettre sous cloche la terre entière. Il capituler quand tout le monde fuit la capitale pour se ruer sur l'île de Ré. Le président dit c'est la guerre, pourtant on n'est pas en Syrie. Tous ces migrants à nos frontières, ils pourraient se confiner aussi. Et si l'humour peut nous sauver, j'ai perdu le sens de l'amour. cœur uni de l'humanité. C'est l'homme qui joue de mauvais tours. Cette mondialisation fait mal, révèle nos inégalités. Quand tout le monde fuit les capitales, on sent venir le crâne boursier. Si on partageait nos richesses, ouais, ce serait peut-être une vraie transition. Il serait bon que l'on progresse, car le monde ne tourne pas rond. Le Pégase et les écolos, ils tabassaient les retraités. Donner à tout le monde du grain bio, pas seulement aux privilégiés. Petit virus qui nous soumet, aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais. Mettre en panique toute la terre, petit virus qui nous soumet. Aucun régime totalitaire n'a réussi ce que tu fais. Faire annuler tous les concerts. Cette mondialisation fait mal. C'est le virus du capital. Tout le monde avec nous. Cette mondialisation fait mal. C'est le virus du capital qu'il faudrait faire capituler. Cette mondialisation bancale finira bien par tout brûler. Comme en Australie. Point sur les i. Merci. C'est joli. Et là, Caribou, quand elle t'aima petit virus, le virus del capital, igual es este, el virus que deberíamos más intentar erradicar. Ahí vamos a con un tema de que nos toca Gary Greu, que en este confinamiento está tocando bastantes temas así con su guitarrita en acústico desde su casa, como todos y todas que estamos. Gary Greu es un MC del grupo Massilia Sound System, pero participa también en Collective 13 y pues canta en solo también unas canciones muy bonitas, muy a mí me gustan, y igualmente acababa de sacar un disco justo al principio del confinamiento, vamos a decir, que se llama Barca. Y eso, igual haremos un programa especial en este verano sobre eso, seguramente. Y aquí nos toca una canción de La Tendresse, que es de Bourvil, el tema, y La Ternura, ¿no? Sería la traducción. Y dice eso: podemos vivir sin riqueza, casi sin dinero. Señores y princesas, no quedan mucho, pero vivir sin ternura, no podríamos, no podríamos. Podemos vivir sin la gloria, eso no prueba nada. Ser desconocido en la historia y estar bien con eso. Pero vivir sin ternura es impensable. Qué dulce debilidad, qué hermoso sentimiento esa necesidad de ternura. ¿Quiénes somos surge realmente? Realmente, realmente. El trabajo es necesario, pero si tienes que quedarte semanas sin hacer nada, bueno, nos acostumbramos. Pero vivir sin ternura, el tiempo parece largo, largo, largo, largo, largo. El tiempo te parece largo. En el fuego de la juventud los placeres nacen y el amor hace destreza. Para deslumbrarnos, sí. Pero sin ternura el amor no sería nada. Cuando la vida sin piedad nos cae encima, somos solo un pobre diablo aplastado y decepcionado. Entonces, sin la ternura de un corazón que nos apoya, no iríamos más lejos. Un niño te abraza porque lo hacemos feliz. Todas nuestras penas se desvanecen, tenemos lágrimas en los ojos. Dios mío, en tu inmensa sabiduría, fervor inmenso, haz que llueva sin cesar en el fondo de nuestros corazones torrentes de ternura, para que reine el amor, reina el amor hasta el fin de los días. Gary Gray canta Bourville. C'est dimanche, il pleut, ça va bien? Je vais faire une dédicace à ma maman, qui est seule, qui languit, à toutes les mamans. Je vous aïeulise. Avanti. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long, le temps vous paraît long. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, noyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, non, non, non, on n'irait pas bien loin. C'est pour toi, ma frère. À bientôt, chérie. Je vous aime. Nosotros también. Hasta pronto, Gary Gray, en un concierto pa' aquí o pa' acá. Seguimos en Ulala, en Irraya Ratia. Y pues vamos a llegar a la punta final, recta final. Y vamos a poner otro tema de Hurlement de Leo, que se llama La Piave. Sería la bebida. Pues adelante, uno de sus primeros temas, yo creo, de Hurlement de Leo, entonces bastante antiguo, pero siempre suena muy bonito. Y además vuelve a cantar en este tema Erwan, que estaba al principio de, a los principios del grupo que entrevistamos en su día en Ulala, y que hablaba muy bien castellano. Y pues ahí ha vuelto por este tema confinado, La Piave, Hurlement de Leo. Música. était si belle, montrant ses jambes à tout un café. C'est pas que je me le rappelle, c'est le patron qui m'en a parlé. Maintenant j'ai tout juste le droit à une grande scène quand je rentre le soir. Pas bonjour, ni même bonsoir. Et toujours, la même histoire. Tu finiras par crever dans tous ces troquets. C'est pas ex-maudit dont toi, tu as fait vœu de te marier. Le pire, il y a des fois, ses amis viennent me surveiller. Faut dire que lorsque je bois, y a pas grand chose qui peut m'arrêter. Ses petits potes du KGB de lui raconter. Monde de millions qui est, et les conneries racontées, y'en avait. Tu finiras par crever dans tout cet troquet. C'est pas ex-marine comme toi, tu as fait vœu de te marier. Qué bonito, que por los que conocen este tema, nos esperamos a otro final, que normalmente accedan mucho en este tema el final, pero ahí confinados y tranquilitos desde sus casas, muy guapo. Y ahí nos vamos a los últimos temas con unos freestyle de Demi Portion desde Marsella, pues hay un rapero que ya sacó sus varios discos y mola mucho siempre lo que hace. Y ahí, qué campeón, ahí, qué bueno. Así que vamos con lo que llama el primer round de su freestyle. Pour être sympathique. Waouh! Ceux qui ont reconnu l'instru. Bon, je vais me chauffer. Ça fait. Ok. On m'a dit, toi, ne lâche pas. 1. Suis ton fil conducteur, on est qu'entre nous. C'est bon, j'ai pas fini docteur. On se lève à 4h, dévarié selon l'ordonnance. La route est longue, même si je la ferai, je la recommence. Dis, qui me la recommande, belle manière de se divertir. La France est une, qui me demande toujours de faire pire. Regarde sous le drap, c'est pas une merde sous la couverture. Et ça me perturbe, voilà ce que je tracerai sur chaque titre. En Matisse rap, c'est un terrain avec 10 arbitres. Le stade est archi plat, remis des trous de balles qui s'invitent. Garde tes petits sourires ou tes vieilles filles platines. Retourne jouer un rôle ou lâche ta thune à Agadir ici. Ça pense qu'à fuir, au nuire leur combinaison. Y'a plus de shit et la coque pire à mieux que Michel Denisot. On m'a dit, l'horizon deviendra flou que si je recule. C'est pas grave, j'avance, je m'en fous, ça fera une aventure, une vraie cure. On m'a dit, cherche pas de sensation, regarde ses yeux, ça sera meilleur qu'une conversation. Une nouvelle vie, et je préfère taper dans l'occasion. Amoureux du son, fallait bien ignorer vos stations. Lamentable, dur de trouver un MC qui ne ment pas. Des faux tueurs, tout cela se baiser comme dans les mangas. On m'a dit, faut que t'en parles, de mesure ça m'occupe. Le rap, j'en écoute peu de peur. Vous faire trop de pubs, le RN Bull, débile, débarque le samedi soir, rappeur techno, merde, prof David guitare. Les MC se font coucher et dans leur lit y'a plus de latte. 1000 positions à se faire mal dans les dents, un clic-clac. On m'a dit, sois loin de l'attaque, ne les calcule pas. Révolutionnaire, mon cul, t'as pas vu Cuba. À mon insu, tu parles, et dans tous les cas, ça viendra. Y'a qu'un Dieu frérot, et tous tes sales péchés ne payent pas. Waouh, tous tes sales péchés ne payent pas. Demi-portion, Ayam. Waouh, c'est la saga. C'est la saga. L'armée, tu dis, l'armée meurt mais ne se rend pas. C'est cool. Premier round. C'est cool. Yeah, c'est cool. Seguimos para poder acabar tranquillamente el programa con el segundo round, ¿no? Otro temita de mi porción en freestyle, ¿eh? Se pone la música y ahí bla bla bla improvisa. On va improviser dans l'ancienne. Allez. Wow. Yeah. C'est cool ça. Un. Yeah. DJ Sax à la prod. Yeah, à l'ancienne, ça fait un. Ok, un texte. Je suis paré pour t'envoyer ça. Chez moi c'est devenu une usine avec la paix du RSA. J'ai l'impression d'aimer ça. Je suis loin des difficiles. Je viens de là, on grandit seul, va faire un tour et tu visites l'ambiance. 1. Elle est belle la France. J'ai millions de vues et c'est trop de balles. Crois que j'ai une vie de palace. Et vas-y nique le race. Chut, il fallait bien que je le sorte. Des rimes fortes. Et toi non, c'est pas la rage que je porte. Prose virale. 1. D'une attitude pirate. Waouh, viens voir ma dupe, ne fais pas de miracle. Grave, c'est le chantier mais sans briques. Des discrets aux indiques. Inscrit au pôle emploi. En attendant un petit SMIC. Tout le monde devant son stick. Rien de fantastique, tout le monde devient tendu. Une forme de gymnastique, de l'air dans le plastique. Argument de leurs articles. Ici, si chacun sait que c'est pas une femme, elle arbitre. Du béton au bétail, l'ordre de la maille à Spécam. Du ghetto à guettard, cherche à remplir le bustam. On a tous vie à faire, regardez valide. Y'a mes pas au Real de Madrid. Faut que l'État, son équipe, on leur coupe l'appétit. Un peu oui, un salmonard dans leur spaghetti. Fini de jouer, j'ai compris, j'ai mis de côté le Rachid. C'est les histoires, et si je reviens, c'est pour casser la machine. En secrète, si. Un message précis, des clips en piscine qui tournent jusqu'en Sicile. On se fait petit, mais si, je voulais ça au jacté. Chacun ses griffes dans ce métier, tu en verras gratter. Et rapé-tu, te rends têtu, je tue un rôle battu. Plus je t'écoute et j'en pleure plus, en pleine période récup. Allez, celle-ci t'éduque, et vas-y, lâche l'oreille. Lève-toi et montre-leur comment travaille l'élève. Fais ta vie et mets-toi seulement de ce qui te regarde. Tu tomberas, mais y'aura personne qu'en Spider-Man. Fin de mois, difficile, problème, invisible, pas une facture. Mais demain, tu en as 10 qui arrivent. C'est la vie, et c'est ainsi, et près des étincelles, toujours les pieds sur terre, même quand je monte sur scène. Si t'as un truc, va le faire, n'aie pas peur de la perte. De toute façon, y'a rien à gagner, vas-y, fonce, tu vas perdre. Non, y'a pas de raquette, ni vendeur de la mêle. On connaît tous un gars qui veut le casting de la haine. Le parking, ramal, les discours, pareil. Avoir un flingue, c'est vicieux, mais ce que tirer, c'est malin. T'en sais rien, mais ce que tu prends, n'a rien des messagers. Les seules fois que tu progresses, c'est quand tu t'es téléchargé. La barre, surchargé, et toutes tes notes sont fausses. Pendant que tu t'inventes une vie uniquement sur Firefox. 1. Je fais un poucan, 2. Je suis de rien perdre. Le 3, je fais tout le temps, mais je n'ai jamais tué quelqu'un. A 4, parce que ça date, chaque histoire a sa raison. Ouais, grâce au hip-hop, on a fondé une maison. Maître de cérémonie, artisan à chaque saison. J'ai sorti 6 albums pour 1000 liaisons. Le groupe, c'est les grandes gueules et on aime le silence. Merci Facebook et de ma planète Mars. Wouh! Ça fait du bien de rapper quand même. Boom bap trap. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Vive la musique. Oh, oh. Oh yeah. Vive la musique, viva la música. Esa era la demi-porción. Demi-porción sería una media porción, ¿no? Me imagino que era su apodo por ser todo pequeñito. Y ahí nos despedimos de esta semana de Ulala, versión confine, confitados 3. Y dentro de 15 días a ver dónde estaremos. Sorpresitas, tal vez. Ahí, portaros bien y cuidar a lo que viene de la derecha, pero también de la izquierda. Así que seguir para adelante, ya quedará menos, ¿no? Agur, y nos despedimos con otro tema de la Caravan Pass y sus bodas. Normalmente montan en sus conciertos una boda muy loca, ahí teatralizado con la música, y pues ahí lo han hecho confinados por unos amigos que están en Saint-Martin, en las islas, ahí. Ahí para, pues, agur y hasta pronto. Confinés du monde entier, unissons-nous tous ensemble pour célébrer le mariage de tous les confinés de la Terre. Bienvenue au mariage de ma cousine Mona. Allô, Mona. Bienvenue au mariage de mon cousin Sacha. Okay. Bienvenue au mariage de Sacha et de Mona. Qui veulent se marier en confinement aujourd'hui, comme Rakistouf et Olivia, les mariés du jour. Alors on fait pour vous spécialement une chanson, c'est parti. Franchement, Je suis très très content d'avoir été là ce soir. Bravo, Sacha, bravo. Mona, Rakistouf et Olivia. Et ciao, c'est pour vous. Ciao. Ciao. À la prochaine. Les confettis et les confineries. Ouh, je suis un con fini.